6. Calcul de navigateur. Samedi 25 juillet 1534. Le lendemain, 25e du mois, se leva un bon vent et nous sortîmes du port. Une fois sortis du fleuve, nous tirâmes vers est-nord-est. Près de l'embouchure de ce fleuve, la terre fait un golfe en forme de demi-cercle. Nous nous mîmes à explorer la terre située vers ouest et nord-ouest, et nous trouvâmes un autre golfe identique distant de 20 lieues du fleuve. Lundi 27 juillet 1534. Lundi 27e, au soleil couchant, nous longeâmes cette terre jusqu'au mercredi. Ce jour-là, nous vîmes un autre cap où la terre commençait à se tourner vers l'est. Nous longeâmes cette terre pendant 16 lieues. Cette terre tourne ensuite vers le nord, et à 3 lieues du cap, il y a un fond de 24 brasses à plomb. Ces terres sont plates et plus découvertes de bois que toutes celles que nous avions vues. On y trouve de belles prairies et des campagnes très vertes. Ce cap fut nommé de Saint-Louis parce qu'en ce jour on célébrait la fête de Saint-Louis. Samedi 1er août 1534. Le samedi suivant, premier jour d'août, au lever du soleil, nous aperçûmes d'autres terres du côté du nord et du nord-est. Elles étaient très hautes et escarpées, et elles ressemblaient à des montagnes entre lesquelles il y avait des vallées, avec des bois et des rivières. Nous passâmes autour de ces terres tant d'un côté que d'autre, tirant vers le nord-ouest jusqu'au 5e du mois, pour voir s'il y avait quelques golfes ou bien quelques passages. D'une terre à l'autre, il y a environ 15 lieues et le mi-temps est au 51e degré de latitude. Il nous fut très difficile de pouvoir faire plus de 5 lieues à cause de la marée qui nous était contraire et des grands vents qui y sont ordinairement. Mais comme nous ne faisions autre chose qu'aller venir selon le vent, nous tirâmes vers la terre pour tâcher de gagner un cap vers le sud, qui était le plus avancé en mer que nous puissions découvrir. Ce cap était distant de nous d'environ 15 lieues, mais arrivés sur place, nous nous aperçûmes que c'était rochers, pierres et écueils, ce que nous n'avions pas encore trouvé auparavant depuis le cap de Saint-Jean. La marée nous portait contre le vent vers l'ouest, de sorte qu'en cabotant le long de la côte, une de nos barques heurta un écueil et ne put avancer. Il nous fallut tous sortir hors pour la remettre à la marée. Ayant navigué le long de cette côte pendant 2 heures environ, la marée survint avec une telle impétuosité qu'il ne nous fut plus possible avec 13 avirons d'avancer d'un jet de pierre. Si bien qu'il nous fallut quitter les barques et laisser une partie de nos gens pour les garder et marcher par terre jusqu'à ce cap avec quelques 10 ou 12 hommes. Ayant vu que la terre commence par là à s'abaisser vers le sud-ouest, nous reprîmes nos barques et revînmes à nos navires, qui étaient déjà à la voile et pensaient toujours pouvoir avancer. Mais les navires avaient reculé, à cause du vent, de plus de 4 lieues du lieu où nous les avions laissés. Une fois remontés à bord, nous fîmes assembler tous les capitaines, les mariniers, les maîtres et les compagnons pour avoir l'avis et le conseil de ce qu'il convenait de faire. Mais après qu'un chacun eut parlé, l'on considéra que les grands vents d'est commençaient à régner et à devenir violents, que le courant était si fort que nous ne faisions plus que reculer, et qu'il n'était plus possible dans ce cas de gagner quoi que ce fût. Les tempêtes commençaient à s'élever en cette saison à la Terre-Neuve, or nous nous étions avancés fort loin au-delà de la Terre-Neuve, et nous ne savions les hasards et dangers du retour. Pour ces raisons, il était temps soit de rentrer, soit de s'arrêter là pour tout le reste de l'année. De plus, nous disions que si un changement de vent du nord nous surprenait, il ne serait pas possible de partir. Ces avis, ayant été écoutés et bien considérés, nous persuadèrent qu'il nous fallait rentrer. Et parce que nous entrâmes en ce détroit le jour de la fête de Saint-Pierre, nous l'appelâmes détroit de Saint-Pierre. Ayant jeté la sonde en plusieurs lieux, nous trouvâmes en aucun 150 brasses, en autre 100 et près de terre 60 avec bon fond. Depuis ce jour jusqu'au mercredi, nous eûmes vent à souhait, et nous côtoyâmes la terre du côté du nord, est-sud-est, ouest et nord-ouest. En ce lieu, nous vîmes de la fumée qui était faite par les gens de ce pays. Mais comme le vent ne cinglait pas vers la côte, nous ne les accostâmes pas. Voyant que nous n'approchions pas d'eux, 12 de leurs hommes vinrent à nous avec 2 barques et s'accostèrent aussi librement de nous que s'ils eussent été français, et nous donnèrent à entendre qu'ils venaient du grand golfe. Leur capitaine était un nommé Tienneau, qui était sur ce cap. Ils étaient chargés de poissons. Passé ce cap que nous appelâmes cap de Tienneau, toute la terre est dirigée vers l'est-sud-est, ouest et nord-ouest, et toutes les terres sont basses, belles et environnées de sablons. Près de la mer, il y a plusieurs marais et des bancs par l'espace de 20 lieues. Après, la Terre commence à se tourner de l'ouest à l'est et nord-est, et elle est entièrement environnée d'îles, éloignée de la Terre de 2 ou 3 lieues. Cette configuration nous laisse à penser qu'il y a plusieurs bancs périlleux à plus de 4 ou 5 lieues loin de la Terre. Mercredi, 5 août 1534. Depuis le mercredi jusqu'au samedi, nous eûmes un grand vent de sud-ouest et nous arrivâmes le samedi à la terre d'est de la Terre-Neuve, entre les cabanes et le Cap Double. Ici commença le vent d'est, avec tempête et grande impétuosité, et pour cette raison, nous contournâmes le cap vers nord-ouest et au nord, pour aller voir le côté du nord qui est, comme nous avons dit, entièrement environné d'îles. Arrivé près de ces îles, le vent se changea et vint du sud. Il nous conduisit dans le golfe, si bien que, par la grâce de Dieu, nous entrâmes le lendemain, qui était le 9e d'août, dans Blanc-Sablon, et voilà tout ce que nous avons découvert. Samedi, 15 août 1534. Le 15e d'août, jour de l'Assomption de Notre-Dame, nous partîmes de Blanc-Sablon après avoir entendu la messe, et nous vîmes heureusement jusqu'au milieu de la mer, qui est entre la Terre-Neuve et la Bretagne. Là, nous courûmes un grand danger à cause des vents d'est, mais nous le surmontâmes avec l'aide de Dieu, et dès lors nous eûmes fort bon temps, en sorte que le 5e jour de septembre, nous arrivâmes au port de Saint-Malo d'où nous étions partis. C'était « Voyage fait en la Terre-Neuve du Canada » par Jacques Cartier.